On va parler de jeux vidéo. Ça fait un méchant bout de temps qu'on n'a pas parlé de notre chroniqueur de jeux vidéo. C'est du sport, puis c'est pas du sport ce qu'on va vous parler, parce qu'il y a un lancement de la PS5 qui a été dévoilé la semaine dernière. Évidemment, pourquoi qu'on parle de la PS5? Ben évidemment, parce que si on veut continuer à jouer à NHL et ainsi de suite, faut acheter la nouvelle console. On parle avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo. Salut René! Salut Lenny, salut tout le René, monde. ça fait un méchant bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Là, c'est le fun, pas mal de s'en reparler. Hey, Ouais. dis-moi, la PS5, t'en penses quoi? Ça va être une belle grosse machine puissante. C'est sûr que si on se fie vraiment technique à 100% et on regarde tous les specs comparés à la Xbox One la Series X qui va sortir, il y a quelle différence? C'est sensiblement les mêmes machines, mais avec un côté un peu plus fort du côté de Microsoft cette fois. Ok. Mais tu sais, sinon, en général, les machines, ça va être deux bombes. On dirait c'est pas, il y a des joueurs PC, sûrement. Si t'écoutes, eux autres vont tout le temps avoir une longueur d'avance, mais là, on s'en va avec des consoles qui équivaut à un PC quand même de bonne qualité. Haut de gamme, si on veut, avec les bebelles de ray tracing, tout ça, là, les effets de lumière et tout le kit. Fait qu'on va avoir des grosses machines entre les mains avec des disques durs qui vont permettre quasiment de pas de chargement. C'est sûr que là, il y a une conférence, une présentation, si on veut, le 11 juin dernier aussi, qui nous présentait la machine. On n'avait jamais vu avant ça qu'est-ce qu'elle avait l'air. On avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de concepts de gemmes. On n'avait pas vu la machine, qu'est-ce qu'elle allait avoir. Fait que là, on a pu voir lors de cette présentation-là la machine. Puis tu sais, ça va être une grosse machine là. C'est la plus grosse si on fie à quelqu'un qui a fait une comparaison. On peut le voir sur notre site de Game Focus. C'est la nouvelle, une grosse machine là. Vous allez voir, il y a un tableau de comparaison, c'est qu'on peut voir la PS5 comparée à toutes les consoles qui sont sorties récemment, Physiquement, comme le ça va PS4. être une grosse console. Ah, ça va être une grosse console, oui. Puis pourquoi une Ça va grosse être un. console, hein? Ben, pour le principe de que oui, tu sais, on est rendu avec de quoi qui va marcher beaucoup, les processeurs, les refroidisseurs, tout le kit pour le refroidir, ça prend de la place. Puis on a deux options. On va avoir deux options. On va avoir une option avec un lecteur de disque pour les copies physiques qui. Et veut pas avec le temps, on voit que ça diminue un peu, puis Ouais. ça s'en va vers ça. Fait qu'on va avoir une option avec le lecteur Blu-ray, si on veut, puis je pense que c'est un 8K, mais ça, je suis pas sûr à 100%. J'ai pas pris les stats devant moi pour. De toute façon, c'est du technique, ça, c'est un peu plus Ouais. plat. Puis on a une édition numérique, elle va juste permettre le téléchargement des jeux, puis tout ce qui concerne ça. Là, on va pouvoir télécharger le jeu, puis. S'amuser dessus. Celle-là a juste pas de fente. Elle est un peu plus belle. Personnellement, je la trouve plus belle parce qu'elle fait plus égale. Là, on dirait qu'il y a une fente qui a été rajoutée. Oups, j'ai oublié de mettre la fente là, puis je la rajoute dernière minute. Là. Mais celle-ci, moi, j'ai un petit penchant pour le côté téléchargement. Mais tu sais, plus ça va, plus avec la famille, avec tout, comme je te disais avant d'entrer en onde, je développe une habitude de numérique parce que tu sais, j'ai deux consoles à la maison, j'ai beaucoup d'enfants. Fait que tu sais, ça décide de jouer, ça décide de prendre le disque. Tu le cherches, il est rendu où, ils l'ont mis où. Fait que là, au moins, c'est le jeu est dans ma machine. Il est plus dans ma machine, mais je le télécharge, je joue, puis c'est fait. J'attends les mises à jour. Sûr, je peux pas jouer instantanément. C'est tout le temps le cas, faut que tu attendes. Mais même avec les disques, souvent, il y a des mises à jour, des téléchargements. Fait que tu finis au final que tu as quand même attendu après ton jeu. C'est juste que tu as eu la console, si on veut. Fait que tu as le disque, puis tu peux le mettre beau dans tes affaires. Ou des fois, tu as des options d'échange. Mais là, avec le COVID, donc ça a été mis sur le chaos, si on veut, c'est sa tablette à l'attendait. Ça va recommencer éventuellement, là, mais pour l'instant, c'était là. Faut que tu y aies. Moi, ce qui Oui. m'intéresse, c'est la graphique. Est-ce que, tu sais, je me dis tout le temps, on n'était pas loin de. Je dis tout le temps qu'on n'était pas loin de l'homme, là. Tu sais, Ouais, ben, je te. est-ce qu'on en prend une coche encore plus? Je te dirais que oui, je sais pas si tu as eu la chance de. C'est pas long, moi, juste, je suis dans une Pas juste, voiture, tu fait pas juste sais, élever c'est des les jeux. fenêtres. Ouais. Excuse-moi, c'est. J'étais en auto, puis il y a comme un camion qui est en panne à côté de moi, puis ils ont décidé d'appeler le Twing, mais c'est très vacarme. Mais c'est ça, ils ont côté visuellement, je sais pas si tu as eu la chance de regarder un peu la présentation. Ils ont montré un aperçu rapide, mais vraiment rapide, de NBA 2K21, vu qu'on est Ouais, dans le sport. Hein. ok. Puis c'est le réalisme des muscles du personnage, la face, la sueur qui coule, les mèches Ah de ouais. cheveux qui bougent, la façon, c'est vraiment impressionnant. Déjà que ça laisse en lien avec la PS4, c'est PS4 est en fin de vie qu'on dit. D'après moi, on a encore beaucoup sur le dans ma chaîne pareil là, mais tu sais, c'est rendu à un autre niveau. On est rendu à un autre niveau avec ce qu'ils vont offrir, des chargements plus rapides, des efforts, des niveaux, comme je disais tantôt, le ray tracing avec les ombres, les visuels. Tu sais, on voulait essayer de nous en mettre plein le souffle. Ça va continuer et continuer de nous éblouir. Disons que les pour voir juste la peine de regarder que sur le mettons, de YouTube, de PlayStation, fait juste regarder une couple de vidéos de ce qui a été annoncé. Là. Il y a eu le Horizon 2, Forbidden West, il y a eu le NBA 2K11, il y a un paquet de jeux comme ça. Vous allez voir juste le visuel de tout ça. Ça, c'est prometteur. Là. C'est sûr que le NHL va suivre au lancement un visuel de même, parce qu'on s'entend qu'NHL, c'est l'enfant pauvre de EA. Là. Ils s'en foutent un peu. Ils en mettent un peu, mais ils font toujours un peu moins beau. Fait, d'après moi, ça, on va peut-être mettre plus un milieu de ces... De console. T'sais, mettons, le 22-23, on va commencer à avoir des changements. Le 21, d'après moi, on va en voir parce que la machine en pousse quand même toujours un peu plus, là, mais on va voir des changements au niveau de la mise à jour, pas de la mise à jour, mais du chargement entre les trucs, entre les menus, puis ces affaires-là, ça va tout aller plus vite, la fluidité va être plus rapide. Mais je m'attends pas à ce qu'on voit le gros gap avec un NHL au début. Madden, d'après moi, lui, va être un qui vont nous offrir un petit top de graphique. Là. Comme là, on a l'annonce sur Xbox Series X que le jeu, quand tu achètes la version... admettons que tu achètes Madden à la sortie en août, absolument, qui sort. Ouais. Tu vas l'acheter là, mais si tu t'achètes une Series X, éventuellement, c'est le nom de la console Microsoft. Mais quand tu vas... ton Madden va se faire une mise à jour automatique. Fait que, tu vas avoir les graphiques, la qualité de la Series X lorsque tu vas l'acheter... lorsque tu vas acheter la console. Fait que tu peux acheter le jeu en automne, cet automne, puis lorsque la console va sortir au printemps, vers Noël, ben, tu vas avoir ton jeu va être adapté pour la console, fait que tu vas avoir profité à 100% du jeu, tu vas avoir le top des tops que tu peux avoir. Fait que, un jeu comme Madden, je m'attends sur la PS5 que ça va être justement modifié puis vraiment beau. C'est sûr que, est-ce que le gros gap va être là? Est-ce que on voit, comme je te disais tantôt, avec NBA 2K11, oui, les bonhommes, 2K11, 2K21, le visuel, il a l'air vraiment les effets de lumière, les effets de le parquet du terrain de basket, c'est super beau, on voit quasiment le reflet des vis sur le toit, c'est à ce point-là. Le filet, on voit les mailles de cordes bouger, puis c'est vraiment bien fait ça, c'est juste un vidéo. Est-ce que le gameplay va être comme ça quand on va jouer? Si c'est ça, on risque d'être bouche bée. 2K, c'est probablement le meilleur jeu vidéo, je l'ai dit, tout sport confondu. Là. Pour la qualité du réalisme, là, la qualité du jeu, c'est probablement le meilleur jeu vidéo actuellement de sport. Là. C'est ça. Puis là, on parle aussi avec la PS5, une manette, la DualSense, parce qu'elle ne s'appellera plus la DualShock. Comme avant, c'est la DualSense. Il y a des petits capteurs un peu partout qui vont nous faire ressentir des effets de vibration puis de trucs. On dit, mais ça, c'est des rumeurs et des oui-dire, qu'on pourrait sentir une goutte d'eau. T'sais, mettons, il mouillerait, on sentirait la goutte d'eau dans la manette. Est-ce que ceux qui font les jeux de sport vont nous mettre de l'effet pour qu'on sente quelque chose? Je ne sais pas, on joue un jeu de skate, on tombe sur l'asphalte puis on sent le petit effet de l'asphalte dans les mains. Je ne sais pas si on est capable de faire ça. Où est-ce qu'on va aller avec la manette? Là, ça reste on sait pas trop à quoi s'attendre à ce niveau-là, mais tu sais, la manette pourrait faire ça. Il y a les micros que si tu as déjà joué, tu as déjà joué à MLB ou au football. Ouais. Des fois, le micro te parle, tu sais, on te parle dans la manette, fait que ça va être encore là, mais ça peut être poussé encore. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant d'entendre qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on peut faire des jeux, admettons, est-ce qu'on va pas changer, admettons, le jeu, on joue à Madden, on vient pour préparer un jeu, puis là, il est vu. Est-ce qu'on va avoir une option pour dire, OK, on change, je sais pas, moi, on nomme le nom du jeu, puis oups, le tout de suite dans ta carte, ça change sans que tu aies touché à des pitons. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Sûrement que la machine va être capable de le faire. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va l'utiliser? Ça, c'est une autre question à faire. Mais tu sais, si tu peux regarder des vidéos... Je regarde actuellement, même temps que je te parle, là, je regarde le Touquet, je suis allé sur YouTube, puis c'est hallucinant. Ouais, c'est ça, je te dis, si on a le gameplay de même, quand on joue, ça va être vraiment malade. Pour ça, je te dis, je sais pas si on va l'avoir assorti de la PS5. Mais éventuellement, dans le cycle de la PS5, on va avoir des visuels comme ça, aussi malades que ça. Puis on va avoir aussi, comme je te dis tantôt, on regarde des vidéos comme autres jeux qui sont moins sport. On regarde toute l'action qui se déroule en arrière. T'sais, est-ce que là, justement, les jeux de sport vont nous amener une foule qui est plus réaliste, plus dans le jeu? On va quasiment voir le monde se lancer des popcorns. Je pense que la machine va être capable de le faire. Est-ce que les concepteurs, les développeurs vont mettre l'argent pour le faire? Ça, c'est une autre question. Parce que le PS n'a jamais été développé. On dit que le PS n'a pas été développé à sa pleine profondeur. Tu l'as tout dit, hein? Pleine capacité. Hein? Ouais, c'est ça. Ils sont capables. Comme là, ils vont lancer vendredi un gros jeu pour la PlayStation 4. C'est The Last of Us 2. C'est un gros jeu. Le premier était sorti en 2011, 2012. Mm. C'est un gros jeu... vraiment de la série, là. C'est un jeu post-apocalyptique avec pas des zombies, mais des infectés, puis c'est à cause des spores de champignons. Bref, c'est une affaire qui a été inspirée par un Planet Earth. Fait que, l'inspiration vient de là, puis c'est la fin du monde. Mais là, on continue l'aventure dans la PS4. Puis, honnêtement, pour avoir joué, j'ai eu la main et la chance de jouer au jeu avant tout le monde. Là, la critique va sortir cet après-midi ou sinon demain maximum. Vous allez pouvoir lire ça, mais entendre ça parce que c'est une vidéo. Vous allez voir, si vous faites ça, juste le visuel de ce jeu-là est vraiment hallucinant. Fait que, j'ai hâte de voir, justement, avec la pleine capacité de la PS5, avec les processeurs, avec tout ce qu'il va nous mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Puis, tu sais, ce jeu-là, comme je dis, le jeu sur la PS4, on a l'impression que la PS4, elle roule pas à 100% quand même. On n'a pas l'impression qu'elle était tout le temps en train de rouler. T'sais, on la sent pas rouler tout le temps chargée ou quand même, mais pas tout le temps en train de. T'sais, on voit qu'on passe quelque chose au bout, on l'entend. Mettons, que ce soit une auto, tout de même, on l'entend tirer, on l'entend rusher un peu, mais la PS4, quand on joue à ça, on l'entend pas. On n'a pas l'impression qu'elle donne son. Qu'elle conseille le jeu à 100%. D'après moi, il reste un petit peu, mais. Encore là, c'est qu'il paraît qu'il y a des trucs difficiles à développer encore avec ça. Fait que, tu sais, reste à voir, mais sa PS5 à date, il paraît qu'on donnait tous les éditeurs, ceux qui disent ça à chaque cycle pour que le monde c'est porté à changer. On parle qu'il va être capable d'en donner plus. Puis de ce qu'on voit avec les vidéos, comme tu as pu le voir avec 2K21, c'est prometteur, là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, comparé à l'autre, c'est mieux? Comparé à Mais c'est Xbox? sûr. Ben, là, là-dessus, ça, je te dirais, c'est un bémol. La Xbox, c'est une machine plus puissante qui va être nous offert, puis ça va vraiment être une guerre au niveau de toi, tes habitudes. T'sais, oui, mettons, toi, t'es un fan de baseball, puis à part des jeux comme Super Mega Baseball, puis le décevant à chaque année, RBE Baseball, qui sort, il n'y aura pas de grandes options pour un fan de baseball sur un Xbox. À moins que Sony déciderait de vendre sa franchise ailleurs, qui pourrait permettre. C'est-à-dire, ben, peu importe la machine que j'ai un bon jeu de baseball, ça serait bon. Mais tu sais, c'est ce qui manque pour les amateurs de sport. Un bon jeu de baseball sur Xbox, il n'y en a pas. Là, OK, ben, que ce soit sur n'importe quelle console, on va l'avoir pareil, c'est le même principe. Ça dépend. Des fois, le gameplay change un peu, mais c'est l'habitude de la manette, les pitons, la prise en main. Moi, je me suis amusé un peu avec les deux, parce que j'avais pris Access sur la PlayStation, puis par accident, m'étais abonné sur Xbox avec les enfants. À un moment donné, je voulais leur montrer de quoi, puis. Je me suis abonné, je pensais m'avoir abonné juste un mois parce qu'on voulait se faire une soirée jeux vidéo avec les enfants, j'avais plus de manettes sur Xbox finalement, mais j'ai pris une année. Fait que, je me suis amusé avec les deux avec ça. Puis, t'sais, côté visuel, il n'y a pas grand changement. Côté fluidité du jeu, ça va très bien. Fait que, t'sais, c'est vraiment un choix rendu là. Ça va être un choix à toi. Est-ce que tu veux une machine que, justement, t'sais, moi, des fois, j'ai un penchant à conseiller la Xbox pour quelqu'un qui n'achète pas beaucoup de jeux. Parce que l'option de la Game Pass qui va te coûter mettons, un 12 $ par mois. Mais tu as accès à une centaine de jeux. Oui, il y en a qui reviennent et qui partent. Ils vont en enlever des fois, mais tous les jeux de Microsoft sont dessus puis ils enlèvent pas vraiment. T'sais, on peut avoir des jeux de qualité comme Forza, Gears, un paquet de trucs. Tu as une bonne option. Tu as des jeux qui ont vraiment de la qualité. C'est un système qui font vraiment de la qualité. Puis ils s'en vont par là puis ils parlent de développer ce système-là. Fait que, t'sais, oui, je suis porté à dire quelqu'un qui n'achète pas beaucoup de jeux puis qui aime un peu n'importe quoi, qui n'est pas juste avec les jeux de sport. Ouais, Qui n'aiment pas juste donc moi le je suis baseball. vraiment mieux qu'avec que ça. Ben toi, je pense que de ce que Ouais. j'entends, tu joues à des jeux de sport, des affaires de même, puis la PlayStation t'offre tout ce que t'as, puis t'offre en plus le baseball, qui est le meilleur Ah, jeu de regarde. baseball que tu Ouais. trouveras pas. Tu sais, Alors. personnellement, je trouve j'aime mieux le baseball, mais tu sais, je trouve que côté qualité, il va rejoindre un peu. Tu sais, voyons, le NBA qui est là, t'as Madden en dessous, FIFA qui est sensiblement égal, puis le MLB qui vient jouer dans ces plates-bandes-là, tu sais, je te dirais sur un. J'ai mis équivalent à Madden et FIFA pour ma part, parce que j'aime le baseball, mais côté réalisation, côté jeu, le baseball est vraiment excellent. Fait que, t'sais, quelqu'un qui aime le sport, je trouve que la PS5 est une excellente option. La machine, comme je te dis, elle va être une bombe à ce niveau-là. Il y a vraiment ça. Le côté prix, côté date, malheureusement, on n'en a pas. Ouais, c'est Les ça. rumeurs veulent le 20 novembre. C'est des rumeurs. C'est pas. Il y a plusieurs sources qui disent 20 novembre, mais c'est des rumeurs. On n'a rien de conclusion là-dessus. Là. Il n'y a rien qui dit que ça va être ça à 100%. Puis côté prix, ben on entend parler de 550 à 750, 800 $. Fait que Ben, ça va ça être va quoi, la dépendre avec le PS3? dollar canadien aussi, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça serait là, grosso modo, les prix que je te dis, je m'attends canadien. Là, je m'attends pas qu'à 5 000 $ canadiens. Il y en a qui seraient prêts à payer parce que oui, tu achètes techniquement un ordinateur, si on veut, parce que Et est-ce que ça mais. va être disponible tout le temps? Parce que c'est toujours le stock, hein? Ben, le lot, quand ils vont lancer la PS4, ils l'ont dit, la PS5, ils ont dit qu'il allait avoir un lot limité, je pense que c'est c'est-tu un 5 millions? En tout cas, un X millions d'unités en partant à cause du COVID, tout ça. Ils allaient limiter leur affaire. Fait que dès qu'il y a des précommandes, si vous en voulez une, garochez-vous sur précommande pour assurer votre console. Là, vous en assurez une. Mais sinon, ça va rapidement revenir l'année prochaine, début de l'année prochaine, il va en avoir d'autres. Fait que si vous ratez votre aller à Noël, vous n'êtes pas pressé parce que la PS4, comme dit, elle fait encore très bien la job, puis il y a encore des jeux de. Tous les jeux de sport qui vont. Moi, j'ai appris que la PS4 pour encore un an, c'est mieux d'attendre un an, je pense. Il y a un rodage ici. Parce que moi, je l'ai acheté ma PS4, là, puis elle a brisé tout de suite. Fait que je pense qu'on va faire un an de plus avec ma PS5. Quelqu'un qui est comme moi, tu sais, moi, je suis là-dedans. Moi, je vais être tenté de l'acheter à la sortie, mais quelqu'un qui est, comment dire, plus occasionnel, plus, tu sais, il joue pour s'amuser une fois de temps en temps, ou quoi de même, tu sais, mon conseiller, attends l'année prochaine, laisse-le sortir, laisse les gamers, si on veut, se lancer dessus, se grocher dessus. Il va être rodé, puis, C'est ça, ils vont rôder, eux autres vont aller bobos, vont aller les éditions, mettons, comme je disais, ce qu'ils vont faire plusieurs, parce que la blanche, la PS5, elle va être blanche. Longue, comme je te dis, avec un genre de gros truc noir au milieu. Il y en a qui le comparent à un ventilateur, mais celui-là va sortir éventuellement comme ça. Et, il y en a qui disent que pas longtemps après, ils vont vendre des modèles, mettons un modèle adapté à mettons Spider-Man, adapté à d'autres choses. Fait que, il va en avoir pour finir d'autres couleurs, à d'autres trucs. Fait que, peut-être que quand toi, tu vas décider, tu vas avoir une option de plusieurs choix de couleurs, tandis que moi, j'avais la blanche, puis c'est tout. Personnellement, la manette blanche. Blanc. Ça fait beau, blanc. Ouais. Moi, ben, ça fait beau, mais je sais pas si tu as pu voir le modèle. T'sais, je trouve pas qu'il va fitter dans quel salon, par exemple. T'sais, dans ton salon, je sais pas si tu places. Comme il y en a qui disent, moi, mon bureau, mon salon est fait que je peux placer mon lecteur DVD sur une autre affaire, puis ça marche de même, je manque de place sinon. Mais avec elle, c'est une grosse Bertha que tu vas placer comment dans ton salon. T'as l'air de pas avoir le choix de la placer à la verticale. Ouais. Parce qu'à l'horizontale, comme des courbes, fait que tu vas avoir des trous en dessous. Fait que, reste à voir on n'a pas non plus vu le modèle en main, là, on a vu des vidéos. Fait que, mais qu'on le voit, mais qu'on l'ait en main, on va avoir des idées. Mais pour l'instant, ça reste à voir comment ça va être. Mais, d'après moi, ça va être une machine vraiment puissante qui va en offrir beaucoup. Comme je te disais tantôt, avec la manette qui offre une nouvelle façon de jouer avec le DualSense, tout ça, ça risque d'être une console fort intéressante effectivement. Pour les amateurs. Donc, ça va se vendre bientôt. Hey, dis-moi Oui, sorti pour les fêtes. À partir de ça, pour les fêtes, évidemment, ça va lancer pas mal. René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo. Un gros, gros, gros, gros merci pour le plaisir de se parler. Merci. Voilà, donc René Cadieux du site internet game-focus.com.